Chichewiz. Alpha D, mes classes amis. Chouchou. DJ Wiz, yeah, non, c'est yeah. Ça. Bon, mon bidet du style. Ok. Ha. Ok. Tu as parlé? Eh, la sambise, hein, c'est un petit piano du style. Ten, ten, ten, ten. Oh là là. Monsieur, moi. Bah, mon bidet bien stylé. Bon, allez, ouais. Ha, il bon, famille. Où suis-tu? Qu'est-ce que c'est? Ha. Eh, un bison bidet pour vous lever, vous suivez. Bon, c'est quand on a valu suivre. Doum, doum. Ok, doom, vas-y, commence tout de suite là. Ah, il bon. Bien, vas-y. Eh ben, nous, quand tu aimes ça, voilà, ça a pété. Honey, ok, Jesus. Ah, oui, oui, oui. On va déconner, bon, nous, quand déconner. C'est ni un bite qui est en rail, c'est croisé en mako. Oh. Yo, qu'a raconté via au con, si c'était taille, yo, ah bon? Toujours veut savoir son café. Qui fait mon cas check. Marco. Yo, Jacques a crié au frère que c'est première fois que je check. Pour cela, on est sorti en mode incognito. En KJ con t-shirt, en mode incognito. En j'avoue combien bouteilles, en chat incognito. Objectif de la soirée, éviter les macos. En dur, cela, on est sorti en mode incognito. En KJ con t-shirt, en mode incognito. En j'avoue combien bouteilles, en chat incognito. Objectif de la soirée, éviter les macos. Sa café s'éveille. Je ta chabine à bien pour nous tous les décasieux. Et moi toujours incognito ou en mode avion. Pour gommer ou pour parer, donc fais bon pont. Aïe aïe aïe aïe aïe. En mode avion. Bye bye bye bye bye bye. En mode avion. Bye bye bye bye bye bye. En mode avion. Chabine. Ben oui. En veut pas prendre tête à moi ou ni non. Mon enfant, à moi faut nous faire les bails discretos. Ni on le monde qui connaît moi en passe. En position, y'a qu'il vini ou écanté ou. Team Jesus, oh là là. Alpha des mecs, les amis. Voilà ma pote, gang. Tchou, tchou. Hey.